بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 36 dans l'explication de Sharh منظومة الآداب de l'imam al-Mardawi al-Hanbali avec les commentaires et les explications de Sheikh Saleh al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et on est toujours dans le chapitre au sujet de al-Sihr. Hein, les questions qui ont rapport avec Tanjim, l'astrologie, la sorcellerie et les amulettes, les talismans et des choses de ce genre. Et donc pour expliquer comment c'est, en quoi ces choses-là sont en contradiction avec la religion musulmane et en quoi ces choses-là sont des exemples et des formes de shirk et d'idolâtrie et de mécréance. Et donc on a déjà commencé à clarifier plusieurs de ces choses-là. Et c'est un peu étrange parfois de voir comment l'islam est clair sur ces questions-là et comment les principes de notre religion sont vraiment sans aucune ambiguïté sur ces questions-là. Et malgré tout, on trouve que dans certains pays musulmans, on remarque que ces pratiques-là sont répandues. Donc c'est quelque chose parfois qui est un petit peu étonnant et surprenant. Pourquoi? Parce que si ce serait des choses qui se propageaient dans des peuples mécréants ou parmi des peuples mouchriquines, des juifs et des chrétiens ou des athées ou autres, on n'aurait pas raison de s'étonner parce que c'est quelque chose qui fait partie de la logique des choses, hein. Que ces choses-là existent parmi ces peuples qui ne sont pas croyants. Mais de voir que ce genre de choses-là soit répandu dans des pays qui sont des pays établis sur le tawhid et sur la ilaha illallah et sur le Coran et sur la sunna, ça c'est quelque chose franchement qui est, comme on dit, c'est choquant en réalité. Et donc, on devrait essayer de se pencher un peu aussi sur la question. C'est clair que les dirigeants musulmans, les responsables musulmans, ils ont une part de devoir vis-à-vis de ces pratiques de shirk et de bid'a qui sont propagées dans les pays musulmans. Mais en même temps aussi, comme on dit, « faqidu shay la yu'ti », celui qui ne connaît pas ou qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas le donner. C'est pour cette raison qu'à notre époque, la da'wa, elle est beaucoup plus importante, puisque c'est devenu quelque chose qui est fondamental. L'éducation, l'enseignement et la da'wa, d'expliquer, de clarifier pour les musulmans de toutes les catégories de la société, leur expliquer les principes de l'islam et les enseignements de la religion sur les questions de aqida. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment primordial et qui est vraiment fondamental. Et quand on dit d'enseigner l'islam, de prêcher l'islam, de faire la da'wa, ça veut dire pas seulement à une catégorie ou à un groupe ou à un petit nombre de personnes, mais d'essayer de faire en sorte que l'enseignement et la propagation du savoir se fassent de façon le plus large possible et le plus généralisé possible pour que justement la science puisse éclairer les gens et illuminer nos sociétés musulmanes et pour que l'ignorance s'efface et pour que l'égarement disparaisse. Parce que c'est en réalité, c'est un petit peu, c'est parfois un rapport de force qui détermine les choses. Et donc si l'ignorance et les gens de l'ignorance sont plus nombreux et c'est eux qui ont plus d'autorité ou de force ou de pouvoir, eh bien, ils imposent leur position qui sont fausses sur les gens. Et les gens de la vérité qui sont faibles et qui sont peu nombreux, ils n'arrivent pas, dans ce moment-là, à faire comprendre ou faire connaître aux gens les choses. Donc, c'est pour ça que franchement, le fait de propager, d'enseigner, d'expliquer, de clarifier, d'éduquer les gens, les musulmans, eh bien, c'est quelque chose qui va faire en sorte que le nombre de gens qui vont défendre la vérité va augmenter et ce qui va faire en sorte que la vérité va être plus forte hein, par ses supporters, par ses défendeurs, après le support d'Allah Azza wa Jal qui est le plus important, bien entendu. Donc tout ça, c'est une chose que parfois on oublie ou on néglige. C'est-à-dire l'importance de l'éducation et de l'enseignement et de la propagation de la da'wah dans ces sujets-là. Hein. C'est pas juste de s'asseoir sur yani sur notre sort puis de regarder la situation qui est pitoyable puis de s'acharner sur ça puis de dire oh pourquoi ces choses-là se produisent, pourquoi on est dans cet état-là. Les ulama ils ont clarifié pourquoi le monde musulman actuel il est dans la situation dans laquelle il est, et c'est parce que on a délaissé, ou parce qu'une grande partie des musulmans ont délaissé justement la da'wah et l'enseignement et l'éducation des principes du tawhid. Et donc, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre moyen pour ramener l'honneur et la dignité de cette umma que de commencer par l'éducation et l'enseignement en premier de l'enseignement et l'éducation de la aqida et du tawhid et des fondements de la sunna. Ça, c'est fondamental et c'est primordial. Et il n'y a rien qui va changer parmi nous et entre nous et dans notre umma. Il n'y a rien qui va changer tant qu'on n'a pas réalisé ça et qu'on n'a pas fait quelque chose pour que ça change en commençant justement par l'éducation et l'enseignement. D'accord? Parce que une chose que tu remarques quand tu regardes dans l'histoire, et qu'est-ce qui est arrivé, par exemple, dans les pays musulmans lors de la colonisation, et de ces choses-là? Eh bien, les koufars, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Ils se sont débarrassés des têtes. Ils se sont débarrassés des ulama. Ils se sont débarrassés des dirigeants musulmans. Et quand ils sont partis, ils ont laissé les choses dans le chaos. Et ils ont laissé la société sans aucune orientation, sans aucune référence, sans guidance. Hein? Et donc, qu'est-ce qui reste après? C'est le djahl. Le djahl, Allah al-musta'an. Donc, c'est pour ça que l'éducation, c'est vraiment primordial. Et donc, il faut vraiment se concentrer là-dessus. Le cheikh al-Mardawi, il dit dans le vers où on est là où on est arrivé maintenant. Il dit وَذُو السِّحْرِ بِالتَّدْخِينِ أَوْ بِالدَّوَائِ أَوْ بِسَقِي إِذَا لَمْ يَرْتَدِدْ عَزِّرًا قِدِي وَذُو السِّحْرِ بِالتَّدْخِينِ أَوْ بِالدَّوَائِ أَوْ بِسَقِي إِذَا لَمْ يَرْتَدِدْ عَزِّرًا قِدِي. Bon, Cheikh, il explique ici, Cheikh Al-Fawzan, il dit وَهَذَا مِنَ السِّحْرِ وَهُوَ الَّذِي مَا وَصَلَ صَاحِبُهُ إِلَى حَدِّ الطَّيَرَانِ وَالتَّنْجِيمِ وَتَسْخِيرِ الْجِنِّ وَإِنَّمَا هُوَ اسْتَعْمَلَ أَبْخَرَهُ أَوْ أَشْيَاءَ مِنَ الْأَعْشَابِ تُؤَثِّرُ وَهَذَا لَا يَكْفُرُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلى السحر المكفر فيكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة وهو كبيرة من كبائر الذنوب الواجب في حقه التعزير ومنعه من هذا الشيء ولكن القول الصحيح أنه لا تفصيل وأن السحر بجميع أنواعه يحكم بكفر صاحبه وقتله. نعم. Donc ici le cheikh il explique que selon le madhhab Al-Hanbali, ici il mentionne que c'est comme si la distinction entre celui qui fait le sihr en entrant en contact avec les djinns ou en utilisant l'astrologie ou c'est-à-dire que quelqu'un qui ferait ce genre de sorcellerie-là sans utiliser les djinns et sans utiliser l'astrologie, sans utiliser des choses qu'on prenne des formes de blasphème ou des choses de ce genre, et qu'il utiliserait par exemple juste des encens ou des herbes qui ont un effet, il dit selon le madhab, ça ne rend pas mécréant. Hein, mais, yani, c'est-à-dire, ça n'atteint pas le type ou la catégorie de sihr qui serait une catégorie qui fait sortir de l'islam. Donc, ce serait juste une forme de kufr mineur qui ne fait pas sortir de la religion et un grand péché parmi les grands péchés. Mais le cheikh, il dit, il faudrait tout de même, à propos de ce type de personne, c'est-à-dire selon la position du madhab, yani, la punir et l'empêcher de faire cette chose-là. Toutefois, la position qui est plus correcte à ce sujet, et les détails qui doivent être clarifiés sur ce point-là, c'est que toutes les formes de sorcellerie, peu importe leur catégorie, sont des formes qui font quitter l'islam et qui font tomber dans le kofr, et qui exigent donc que la personne qui est prise ayant commis ce genre de crime ou de shirk, qu'elle soit exécutée. Hein. Donc ça, c'est la position que le cheikh il mentionne comme étant la position la plus correcte et la plus authentique sur cette question-là. Ensuite, il dit وَيُقْتَصُ مِنْهُ إِنْ أَتَى مُوْجِبًا وَإِنْ أَتَى مُوْجِبًا لَهُ وَيُقْتَصُ مِنْهُ إِنْ أَتَى مُوْجِبًا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَحْبِسْهُ حَبْسَ مُصَدِّدِهِ ويقتص منه إن أتى موجبا له وإن لم يتب فاحبسه حبس مصددي. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit ici, ولو سحر أحدا فمات بسحره واعترف بهذا فإنه يقام عليه القصاص لأن السحر من الأشياء التي يحصل بها القتل فهو من أسباب القتل من أسباب القتل العمد فإذا اعترف أنه سحره يعني وأنه مات بسبب سحره فإنه يقتص منه. Donc ici le cheikh il explique que si par exemple la personne elle a fait de la sorcellerie et qu'elle a ensorcelé quelqu'un et que la personne est décédée à la suite de cette forme de sorcellerie et qu'elle reconnaît que c'est elle qui a ensorcelé la personne, alors dans ce cas-là il doit y avoir yani, la justice qui soit établie et que la personne donc soit exécutée, elle doit mourir parce que elle a tué quelqu'un hein, en utilisant la sorcellerie. Et donc ça fait partie des formes de cause d'homicide volontaire de la part de quelqu'un lorsqu'il utilise de la sorcellerie et qu'il tue quelqu'un avec ce moyen-là. Et donc, du moins qu'il reconnaît que c'est lui qui a fait cette sorcellerie-là et qui a fait donc de la sorcellerie pour faire mourir cette personne, et bien à ce moment-là, il doit subir la peine de mort. Hein. C'est ça la peine pour ce genre de crime. Et le cheikh, il dit ensuite, وَعَنْهُ كَعَرَّافٍ لَيُحْبَسُ وَكَاهِنٍ ذو السحر بإطلاق غير مقيد غير مقيد وعنه كعراف لا يحبس وكاهن ذو السحر بإطلاق غير مقيد. Donc le cheikh il explique ici, il dit العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور المستقبلية بمقدمات وأشياء يستعملها من تخمين وغيره وحكمه أنه لا يصل إلى حد الكفر ولكن يؤدب ويعزر إلا إذا وصل إلى ادعاء علم الغيب فإنه يحكم بكفره. Donc ici le cheikh il explique que la personne qui se dit devin par exemple et qui prétend connaître certaines choses de l'avenir en utilisant des indices ou des signes, des choses qu'il voit, hein, et il se base là-dessus pour essayer de deviner ou de prévoir qu'est-ce qui peut se produire. Il dit dans ce cas-là, s'il utilise ce genre de signes ou de présages, comme on dit, hein, comme si parfois il peut regarder des choses qui se passent dans le monde, puis là il dit, bon, selon ce que je vois, qu'est-ce qui va arriver, il va arriver telle chose. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas dire que la personne, elle est dans le coffre à ce moment-là, mais elle doit être punie. Hein, elle doit être punie et empêchée de faire ce genre de choses. Il dit, excepté si la personne arrive à un degré ou à un niveau où elle prétend connaître l'avenir, hein, connaître le raïb, alors oui, là, dans ce cas-là, on va juger que la personne, elle est dans le coffre à ce moment-là, puisque personne ne connaît le raïb excepté Allah Azza wa Jal. Et le fait de prétendre pouvoir prédire certaines choses de l'avenir en se basant sur des signes, hein, ou en se basant sur des choses qui se produisent, eh bien, ça peut amener quelqu'un à tomber dans yani, l'idée qu'il connaît le rape, comme c'est le cas de plusieurs médiums et voyants, justement, qui prétendent connaître le rape et qui, justement, le font par l'intermédiaire des djinns et des shayatines qui volent des informations dans les cieux, hein, lorsqu'ils écoutent les anges. Donc le cheikh, il dit « Wa hukmu zawi ta'zimi ahkamu sahirin wa qad qila fi ma fihi naf'ul muwahidi kahil ta'zimin yusamahu fihima faman nahyu illa an mudirrin wa mufsidi wa shartu alladhi min thalikum fihi rakhasu idha kana bil qawli al mubahi al muawwadi. » Donc ici, le cheikh, il explique, le cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, « وَالتَّعْزِيم وَفِعْلُ الْعَزَائِمُ وَهِيَ الطَّلَاسِمُ وَالْكِتَابَاتَ الَّتِي يَكْتُبُونَهَا بِغَيْرِ أَلْفَاظٍ عَرَبِيَّةِ وَبِأَسْمَاءِ شَيَاطِينَ وَيُعَلِّقُونَهَا عَلَى الْأَشْيَاءِ وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ السِّحْرِ الَّذِي يُفْعَلُ وَالَّذِي يَفْعَلُ هَذَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ السَّاحِرِ. » Donc il dit, le cheikh, que ceux qui font des amulettes, des talismans, hein, et qui font par exemple des talismans avec des écritures qu'ils écrivent dans des langues étrangères, non arabes, ou bien avec les noms des diables qu'ils écrivent, et ils accrochent ça, hein, sur eux-mêmes ou sur leur maison ou sur leur commerce pour se protéger. Hein, du mauvais œil ou de la sorcellerie ou des choses comme ça. Et le cheikh, il dit ça, c'est du sihr, c'est une forme de sihr, c'est une forme de sorcellerie. Et c'est celui qui fait ça, donc il a le même verdict ou le même jugement que le jugement du sorcier. Hein, je me rappelle, j'avais vu ce genre de talisman, par exemple, dans des livres écrits par des soufis, des tijaniya et d'autres turuq, qui écrivent des livres, par exemple, sur l'islam, puis qui mettent à l'intérieur des exemples de talismans et des formes de talismans, qu'ils font des dessins. Ils écrivent les noms de ceux qu'ils prétendent être les anges, mais tu vois que ce sont des noms vraiment étranges. Ça n'a rien à voir avec les noms des anges que Allah a révélés. Donc, c'est des noms vraiment bizarres et... même, c'est clair que ces noms-là sont des noms de djinns et des noms de shayatin et non pas des noms d'anges comme eux ils le prétendent. Et donc, tout ça rentre dans le sihr. Ou bien des fois, comme j'avais mentionné également dans les cours précédents, les exemples de carrés qu'ils font. Hein, ils font des carrés, puis ils écrivent des chiffres. Hein, comme par exemple, un peu comme les carrés qui ressemblent à les jeux que les Japonais ont fait, les sudoku, là. Sudoku, ça s'appelle. Et il y a des chiffres à l'intérieur. Ben, ça ressemble un peu à ces carrés-là, en fait, avec des chiffres. Et ils écrivent des choses aussi, des fois, puis après, ils mettent ça sur les murs en pensant que c'est une protection. Donc, j'en avais trouvé parfois dans certains commerces et je l'avais photographié pour montrer qu'est-ce que c'était. Donc, à la kulli hal, yani, ça rentre dans des exemples aussi de qu'est-ce qui fait partie du sihr. Et il parle également d'un autre sujet qui est le fait de vouloir utiliser la sorcellerie, non pas dans le but d'ensorceler les gens, mais dans le but de guérir les gens ou de libérer des gens d'une sorcellerie qui leur a été jetée. Et on appelle ça dans les ulama, ils ont mentionné ça dans les livres, ils parlent de An-Nushra. Et le cheikh, il parle de ça. Même dans Kitab al-Tawhid, il y a un chapitre sur ce sujet-là. Et les ulama ont clarifié que ce n'est pas permis. Hein? Et il dit, cheikh al-Fawzan, il dit ici, « هذه المسألة هي مسألة النشرة وهي حل السحر بسحر مثله هل يجوز أو لا يجوز والصحيح أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله. » Donc le cheikh, il parle de la question ici de An-Nushra. Et est-ce que c'est permis d'utiliser la sorcellerie pour libérer quelqu'un de la sorcellerie? Et donc, la question, est-ce que c'est licite ou est-ce que c'est illicite? Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Et le cheikh dit, qu'est-ce qui est correct et vrai? C'est que ce n'est pas permis de libérer ou d'utiliser la sorcellerie pour éliminer la sorcellerie. Et la raison pourquoi, ou bien une des raisons pourquoi c'est interdit, eh bien c'est évident, puisque si tu utilises, tu commences à justifier l'utilisation de la sorcellerie pour enlever la sorcellerie, eh bien ça ouvre la porte à l'apprentissage et à l'étude de la sorcellerie. Hein? Et quelqu'un qui va faire de la sorcellerie par la suite va utiliser comme excuse qu'il l'apprend non pas pour faire jeter des mauvais sorts, mais plutôt pour les enlever soi-disant. Mais ça, c'est un cercle vicieux, hein. Et si tu ouvres cette porte, après tu ne peux plus la fermer. Et donc c'est pour cette raison-là que c'est évident que ce genre de pratique est totalement interdite, hein. Et de toute façon, il n'y a pas de différence entre qu'est-ce qu'ils appellent parfois chez les koufars, qu'est-ce qu'ils appellent la magie blanche et la magie noire. Toutes les magies sont interdites, peu importe qu'elles soient blanches ou noires. D'accord? Il n'y a pas de bons sorciers et de mauvais sorciers. Tous les sorciers sont mauvais du moment qu'ils contredisent l'ordre d'Allah et qu'ils font du kufr et du shirk. Et donc, ils sont tous dans le même panier, comme on dit, dans le même sac. Donc, ceci dit, maintenant, on a terminé ce chapitre. Maintenant, on va passer au chapitre suivant. Et c'est un autre sujet qui est différent. Et ce sujet, c'est يعني إجارة الحمام والقراءة فيه وأحكام المصحف وأحكام المصحف. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire le fait de louer, hein, un hammam. Donc on va expliquer qu'est-ce que c'est le hammam par la suite, et le fait de réciter à l'intérieur du hammam, donc de réciter, j'imagine ici réciter le Coran ou de lire, hein, dans le hammam, et également les règles qui concernent le mushaf, hein, certaines règles qui concernent le mushaf. Donc ça, c'est un chapitre qui est relativement court, hein, qui a moins de vers, mais quand même il y a des points qui sont très importants dans ce chapitre-là. Puis on va donc analyser ça ensemble. Et il y a des choses importantes, surtout à notre époque, par rapport à ça, parce que le hammam, on peut le comparer ou faire une analogie avec également les piscines, hein, et les bains publics. Donc, ça peut nous aider à voir plus clair dans ces questions-là, parce qu'on a souvent ces questions qui se répètent. Donc, le premier vers qui est mentionné dans ce chapitre, c'est « وَتُكْرَهُ فِي الْحَمَّامِ كُلُّ قِرَاءَةٍ وَتُكْرَهُ فِي الْحَمَّامِ كُلُّ قِرَاءَةٍ وذكر لسان والسلام لمبتدي. Donc on va commencer par lire, expliquer ce vers. Qu'est-ce que ça signifie? Donc de façon générale, ici quand on lit le vers, ça nous dit donc que dans le hammam, toute lecture ou toute récitation est détestable. Et tout rappel qu'on fait par la langue, ainsi que de faire le salam à quelqu'un. Et donc ici le cheikh, il va expliquer premièrement qu'est-ce que c'est le hammam. Donc il dit, Cheikh Al-Fawzan, وَهَذِهِ أَشْيَاءٌ تُكْرَهُ فِي الْحَمَّامِ وَالْحَمَّامِ هُوَ الْمَحَلَّ الَّذِي يَعُمُّ أَوْ يُعَدُّ لِلْإِسْتِحْمَامِ وَيَكُونُ فِيهِ مَاءٌ حَارٌ وَبُخَارٌ وَيُسْتَعْمَلُ لِلْإِسْتِتْبَابِ والعلاج وكانوا يتخذون الحمامات في الأمصار ويدخلونها للعلاج وإزالة الأمراض التي في الجسم وهي محل لكشف العورات لأنهم يخلعون ثيابهم إذا دخلوها فدخولها فيه ضرر من ناحية الأخلاق لأن فيها كشف عورات وفيها محلات غير نزيهة فهي محلات غير نزيهة فينزه القرآن أنه يقرأ في هذا المحل الذي هو محل الدخول دخول الناس وكشف أجسامهم فلا يليق بالقرآن أن يقرأ في المواضع غير الشريفة وغير النزيهة وكذلك ذكر الله كالتسبيح والتهليل والتكبير باللسان أما بالقلب فلا بأس بذكر الله بالقلب ولو في الحمام وليس المراد بالحمام ما يتعرف عليه الناس اليوم من محل قضاء الحاجة فهذا يسمى بالحش ويسمى بالخلاء. Okay, donc premièrement, quand on dit que de réciter le Coran ou de lire ou de faire le dhikr dans le hammam, que ça c'est détestable, ça nécessite premièrement pour nous de désigner ou d'expliquer ce qu'est le hammam. Et le hammam, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on appelle parfois en Amérique du Nord ici un sauna. On appelle ça un sauna ou bien un genre de bain public. Mais le cheikh, il explique, il dit que Al-Hammam, c'est l'endroit où on va, dans lequel il y a de l'eau chaude et beaucoup de vapeur. Beaucoup de vapeur. Et on utilise ça comme un moyen de traitement de médecine ou un traitement pour guérir certaines maladies. Et dans les villes, il y a habituellement un hammam ou plusieurs hammams. Et les gens rentrent dans le hammam en général, c'est pour traitement, guérison. Quand par exemple des gens ils ont par exemple du rhumatisme ou de peut-être de l'arthrite ou des problèmes dans les os, la chaleur et la vapeur, ça peut parfois avoir un effet positif sur le corps et ça peut aider à traiter certaines maladies, certains traitements, certains malaises. Donc le cheikh, il explique donc que c'est ça le hammam. Parce que, comme il explique plus loin, il dit, il y a le terme qu'on emploie aujourd'hui pour désigner les toilettes, hein, les toilettes publiques ou bien les toilettes en général, on les appelle le hammam. Alors, il dit, il ne faut pas se tromper. Parce que quand on parle du hammam à cette époque, à l'époque de l'auteur du livre, et dans les livres de fiqh, lorsqu'il parle des hammams, il ne parle pas du hammam yani, comme on le connaît aujourd'hui dans les toilettes, parce que les toilettes, on les appelle, comme il le dit le cheikh, al-hush ou bien al-khala. Tandis que le hammam, c'est vraiment comme le sauna, un endroit qui est très chaud, où il y a de la vapeur. Et on connaît ici, en Amérique du Nord ou bien en Europe, en Occident de façon générale, les bains romains. Il y a aussi les hammams turcs, il y a aussi les saunas. Il y en a des saunas qui sont secs, c'est-à-dire il y a de la chaleur, mais il n'y a pas de vapeur, il n'y a pas d'eau. Et il y en a des saunas humides, hein, avec justement de la vapeur et de l'eau. Donc, c'est différents styles et différentes choses. Le cheikh explique par contre que la raison pour laquelle ces endroits-là sont des endroits qui ne sont pas propres ou qui ne sont pas bons, dans lesquels on ne doit pas réciter le Coran, c'est parce que c'est un endroit dans lequel la aura, elle paraît parfois. Hein? Dans le sens que les gens, quand ils rentrent dans le sauna ou quand ils rentrent dans le hammam, ils retirent leurs vêtements, hein, et leur aura, elle peut être parfois visible. Et quand on parle de la aura, il faut comprendre que la aura, elle est divisée en différentes catégories. Il y a l'aura al-khafifa wa al-aura al-mughallada. Et l'aura, celle qu'on mentionne qui est la aura qui est la plus intime, c'est les parties génitales. Ça, yani, c'est caché. Sauf que il y a la aura, disons les cuisses, hein, et yani, peut-être certaines parties entre le nombril et la taille qui peuvent paraître parfois, par exemple. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles yani, c'est détestable, hein, qu'on récite le Coran dans des endroits pareils, parce que c'est pas des endroits nobles, c'est pas des endroits propres. Et de même que de faire des adhkar, hein, le rappel d'Allah, comme le fait de dire Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, avec la langue, dans ces endroits-là, à haute voix. Donc ça, c'est pas des endroits qui sont propices pour le rappel d'Allah. Il dit toutefois, si quelqu'un veut yani, penser, hein, à ces choses-là et se rappeler d'Allah dans son cœur, ça c'est permis, hein, même si c'est dans cet endroit-là, parce que du moment qu'il ne le prononce pas, il n'y a pas de mal. Et le cheikh, il dit donc, ensuite il clarifie que ce n'est pas les toilettes dont on parle ici, mais bien entendu du hammam. Et aussi, il y a une chose même que Cheikh Al-Fawzan, il a clarifié aussi par rapport à ça. Lorsqu'on lui posait la question, est-ce que c'est permis de par exemple, dire Bismillah lorsqu'on fait le wudu dans la toilette. Et le Cheikh expliquait que la toilette actuelle, hein, si c'est une toilette avec une chasse et qu'on tire la chasse et que les impuretés, elles s'en vont et disparaissent et que l'endroit, il est propre, que c'est pas dans ces endroits-là où on n'a pas le droit de dire Bismillah, par exemple. Que ce serait vraiment plutôt dans un endroit où, comme par exemple les latrines ou les toilettes dans lesquelles les saletés, les impuretés demeurent et où ça sent très mauvais et où il y a beaucoup d'impuretés et de saletés. Et que c'est pas comme les toilettes actuelles modernes qui expédient les impuretés à l'extérieur. Donc tout ça pour expliquer en fait que il faut bien définir les choses et il faut bien définir la réalité des choses dont on parle lorsqu'on parle de quelque chose pour éviter des erreurs ou des amalgames, des ambiguïtés et des fausses compréhensions. D'accord? Ensuite, les deux vers suivants, wa ujratu hammamin halalun karihatun ka athmanihi wal 'aqdu ghayru mufassadi. Ay na'am. Wa raf'uka sawtan bid du'a'i aw ma'a الجنازة أو في الحرب حين التشدد. Donc ça, c'est les deux vers en question. Donc le cheikh ici, il explique ces vers-là en disant انتهى من مسألة حكم ذكر الله وحكم قراءة القرآن لمن دخل الحمام انتقل إلى الحمام هل يجوز أنه يؤجر قال لا بأس بذلك ولكن مع الكراهة لأنه كسب دنيء. Donc il explique ici, il pose la question, il dit est-ce que c'est, donc il dit, il a terminé de parler du jugement au sujet de la mention d'Allah et de réciter le Coran dans le hammam. Maintenant il parle d'un autre sujet, c'est-à-dire est-ce que c'est permis de prendre de l'argent pour ou de faire payer les gens pour utiliser le hammam et de louer le hammam ou des choses de ce genre, louer le service, hein, d'utiliser le hammam. Est-ce que ça, c'est un salaire qui est licite et est-ce que c'est un moyen de gagner de l'argent qui est permis? Et le cheikh, il mentionne que la réponse qu'il donne, le cheikh, à ce sujet, c'est qu'il n'y a pas de mal à ça. Sauf que c'est quelque chose qui est détestable et que c'est un disons que c'est un moyen de gagner sa vie qui est quelque chose qui fait partie des choses qui sont dénigrées, qui sont basses, hein, qui sont pas honorables. Donc c'est pas quelque chose d'honorable comme travail. D'accord? Parce que dans les emplois ou dans les travaux qu'on fait, il y en a des travaux qui sont des travaux honorables et il y en a qui sont des travaux qui sont des travaux, comment on dit, méprisables, si on veut. Hein, des choses qui sont méprisables ou qui sont détestables. Et comme le dicton, chez les koufars, on entend souvent ça, il n'y a pas de sous-métier. Hein, on a entendu ça souvent dire ça, il n'y a pas de sous-métier. Mais en réalité, non, il y a des sous-métiers en fait. Et il y a des métiers qui ne sont pas nobles. Il y a des métiers qui sont bas. Et donc, le musulman, il devrait chercher toujours à faire un travail qui est plus noble et non pas un travail qui le rabaisse ou qui est dénigrant ou rabaissant. D'accord? Donc, par exemple, ramasser les déchets, ramasser les poubelles, c'est pas un travail honorable. D'accord? Même si les koufars, ils essaient de dire que c'est quelque chose qui est... qui a pas de sous-métier, c'est pas grave. En réalité, oui, c'est grave. Hein. Et surtout, tu vois ça dans certains pays lorsque ils le font pas eux-mêmes, ils font faire ça à des gens qui viennent d'ailleurs. Hein. Pourquoi? Parce que ils trouvent ça que pour eux, c'est pas assez valorisant ou honorable. Et à moins que sinon, à moins qu'ils donnent un très très gros salaire pour faire ça à des gens pour essayer de donner à ce travail quelque chose d'honorable. Donc ils vont élever le salaire de ce travail-là pour lui donner une valeur. Et sinon, personne ne voudrait le faire parmi eux. À la kulli hal, tout ça, c'est des choses qui sont mentionnées dans les livres de fiqh. Les ulama, ils ont parlé de ça. Donc, il faut faire attention. Et surtout, si les musulmans vont vivre dans des pays de kofre, ou s'ils vivent dans des pays de kofre, ils ne doivent pas faire les travaux qui sont méprisants ou humiliants, c'est-à-dire pour se rabaisser en dessous des koufars. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est permis pour le musulman. Ensuite, le vers suivant, le cheikh, il explique, il dit « Wa raf'uka sawtan » بالدعاء أو مع الجنازة يعني من الآداب عدم رفع الصوت مع الجنازة بالدعاء فلا يرفع الصوت لمن تبع الجنازة أو من يحضر دفنها وإنما يدعو لها بدون رفع صوت وكذلك رفع الصوت بالدعاء في المعركة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله فذكر الله فذكر الله مطلوب في القتال وملاقات العدو ولكن بدون رفع صوت لأن رفع الصوت يدل على الجبن أما عدم رفع الصوت فإنه يدل على الشجاعة فعند لقاء العدو يذكر الله عز وجل ولكن بدون رفع صوت بل يكون بأصوات منخفضة. Donc ici le cheikh il explique, il dit que il n'est pas permis de ou bien plutôt il dit que ça ne fait pas partie des bonnes manières de lever la voix et de crier ou de parler fort dans les funérailles ou lorsqu'on suit les funérailles, lorsqu'on fait les doigts. Donc on ne doit pas élever la voix en suivant la funéraille. Et lorsqu'on assiste à l'enterrement, on ne doit pas crier ou élever la voix dans les doigts. On fait les doigts, mais à voix basse. Et il dit que de même que dans le terrain de bataille, lorsque on est dans le combat ou dans la guerre, on ne doit pas lever la voix en faisant les doigts. dans les combats, puisque Allah Azza wa Jal, il nous demande de se rappeler d'Allah, mais de se rappeler d'Allah à voix basse. Et dans le verset 45 dans Surat Al-Anfal, il dit: Ô vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez un groupe ennemi, alors soyez ferme et souvenez-vous d'Allah, ou mentionnez Allah en vous rappelant de lui. Et ça, c'est bien entendu quelque chose qui est exigé pour le musulman en tout temps, et également dans le combat, lorsqu'il rencontre l'ennemi, il va faire les adhkars, il va se rappeler d'Allah, il va glorifier Allah en disant Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, et des choses de ce genre. Il dit, sauf que il ne va pas le faire en criant ou en élevant la voix très fort. Il dit parce que de crier et d'élever la voix, c'est quelque chose qui indique de la peur, que quelqu'un il est peureux en réalité. Parce que il crie, c'est pour se donner du courage, parce qu'il n'a pas de courage. Donc tandis que lorsque tu ne lèves pas la voix, tu ne cries pas, c'est ça qui indique le vrai courage à ce moment-là. Lorsque tu rencontres l'ennemi, alors tu vas te rappeler d'Allah, mais sans crier et sans élever la voix. Tu vas rencontrer l'ennemi et à voix basse. Tu vas faire les rappels et les doigts à voix basse. D'accord? Donc ça, c'est des choses importantes à savoir. Parce que des kuffars, ils montent toujours dans leur... quand ils font, par exemple, des films de guerre ou des choses comme ça, tu vois toujours les kuffars en train de crier. Quand ils vont partir au combat. Tandis que les musulmans, ils ne doivent pas faire ça. Ils ne doivent pas crier, faire du bruit et des choses de ce genre. Non. Ils doivent être en paix. Après, le cheikh, il dit le vers suivant: Wa naqtun wa shaklun fi maqalin li mushafin wa la taktubanna fihi siwahu. Donc ça, c'est un autre sujet maintenant qui est abordé, et on va l'expliquer. Donc wanaqtun, donc qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh, il dit: al mushaf al sharif fihi kalam Allah azza wa jal fayujall wa yu'azzam wa yuhtaram wa la yudha'u bil mawadi' al qadhira ولا يدخل به في الحش أو عند قضاء الحاجة إلا إذا خاف عليه من السرقة أو من الضياع فيدخل فيه ولكن يخفيه في ثيابه أما إذا لم يخف عليه فإنه لا يدخل به محل قضاء الحاجة لأن هذا لا يليق بالمصحف ولا يضعه على الأرض وإنما يضعه على مكان مرتفع ولا يتوسده أو ينام عليه لأن هذا فيه إهانة بالمصحف حتى كتب الحديث التي فيها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتوسد ولا تمد رجلك إلى المصحف لأن هذا فيه إهانة للمصحف وكذلك قالوا المصحف يجرد ولا يكتب فيه إلا القرآن لأن كتابة غير القرآن فيه زيادة على نص القرآن فيكتب القرآن مجردا والقول الثاني أنه لا بأس بنقط المصحف ولا بأس بشكلها لأن هذا من المصلحة والتسهيل على القراء فلا بأس بوضع النقط ولا بأس بوضع الشكل على الحروف وهذا شيء عرفه السلف وفيه مصلحة وتسهيل لقراءة القرآن وهذا مما يدل على أن القرآن يجب أن يصان ويدخل فيه أشياء ليست منه. Donc ici le cheikh il explique, il dit que le mushaf, c'est quelque chose qui est honorable parce qu'il y a dedans la parole d'Allah. Donc, il faut le respecter, l'honorer, Hein? Et donc, il faut éviter de le mettre dans des endroits qui ne sont pas propres. Il ne faut pas rentrer avec le mushaf dans les toilettes, là où on fait nos besoins. Il dit, excepté si on craint que quelqu'un nous le vole ou qu'il se perde. Alors, dans ce cas-là, tu peux rentrer avec, mais tu le caches dans tes vêtements. Il dit, mais si tu ne crains pas qu'on le vole, alors dans ce cas-là, tu ne rentres pas avec dans la toilette ou la salle de bain. Il dit, parce que cela n'est pas convenable pour le mushaf d'être placé ou de se trouver dans cet endroit-là. Et tu ne dois pas non plus le laisser par terre, hein? Tu dois plutôt le mettre à un endroit surélevé. La raison pourquoi on ne doit pas le mettre par terre, c'est parce que si on le laisse traîner par terre ou si on le place par terre, quelqu'un pourrait facilement, sans faire exprès, le piétiner ou bien marcher dessus. Donc ça bien entendu, c'est quelque chose qui est un manque de respect très grave. Donc il faut faire très attention d'éviter ce genre de choses et par conséquent donc éviter de le laisser traîner par terre. Et j'ai vu dans certains pays par exemple que ils n'avaient pas d'étagère ou d'endroit pour placer leur mushaf. Alors dans ce cas-là, ils le mettaient par terre sur les côtés, hein, pour éviter bien entendu que les gens marchent dessus. Donc s'ils le mettent sur le côté, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Mais il faut faire attention ici d'éviter le plus possible de le laisser par terre. Et si c'est possible pour les gens là, dans ces pays-là de fabriquer des étagères et de mettre les mushaf dans les étagères plutôt que de les laisser traîner par terre ou de les laisser sur le côté, c'est préférable et c'est plus honorable pour le mushaf de le faire comme ça. Et ensuite, le cheikh il explique que on ne doit pas donc étendre le mushaf par terre, on doit le laisser à un endroit surélevé et on ne doit pas non plus s'allonger sur le mushaf ou dormir dessus parce qu'il y a dans ça un manque de respect envers le mushaf. J'ai entendu des gens qui peut-être qui mettaient le mushaf en dessous de leur oreiller peut-être pour éviter de faire des mauvais rêves ou des choses comme ça. Ça non plus, ça c'est quelque chose qui représente un genre de manque de respect, hein, envers le mushaf, parce que le mushaf c'est pas un oreiller, hein, et on ne doit pas se coucher dessus ou mettre notre tête dessus, d'accord. Et c'est pas le mushaf qui va te protéger des mauvais rêves, mais c'est de lire et de réciter la parole d'Allah, hein, Ayatul Kursi, hein, et d'autres versets comme ça qui éloignent le shaitan, et c'est ça qui va t'aider et qui va t'empêcher pour que tu dors bien, que tu n'aies pas de mauvais rêves. Donc tu récites le mushaf et non pas de le mettre en dessous de ton oreiller. Également, le cheikh il dit, les livres de hadith, hein, dans lesquels il y a la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose. Et tu dois pas non plus, lorsque tu t'assois par exemple, étendre tes pieds vers le mushaf, hein, parce que ça c'est également manque de respect envers le mushaf. Et aussi il faut essayer le maximum de faire en sorte de rien écrire avec le mushaf, c'est-à-dire que tu dois rien écrire autre que les lettres du Coran dans le mushaf, et éviter tout autre ajout, hein, au texte. Et le cheikh il dit qu'il y a également une autre position qui permet de mettre des points ou des signes, les voyalisations comme on dit, hein, les vocalisations ou les voyelles qu'on rajoute au-dessus et en dessous des lettres, même si ça à l'origine il n'existait pas dans le mushaf parce que les premiers musulmans ils en avaient pas besoin, hein, puisque ils connaissaient déjà la prononciation exacte des mots, hein, et de la récitation. Donc, on a rajouté ça plus tard pour faciliter la lecture et éviter les erreurs. Hein. Donc, le cheikh, il dit qu'il n'y a pas de mal à ça, de mettre les tashkils, hein, les vocalisations sur les lettres, les voyelles sur les consonnes, et de mettre les points et les indications pour indiquer au récitateur où s'arrêter et où ne pas s'arrêter, et où, comment il doit réciter, prononcer les voyelles, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important et c'est pas interdit. Mais par contre, il faut éviter de faire rentrer dans le mushaf qu'est-ce qui ne fait pas partie du mushaf. Et un exemple que je veux mentionner par rapport à ça, et que parfois certaines personnes utilisent pensant que ça peut être bénéfique ou que ça peut les aider, mais en réalité, quand tu regardes bien, franchement, il n'y a pas vraiment un grand bienfait dans ça. C'est les mushaf soi-disant avec les couleurs, les codes de couleurs pour les règles de tajwid. Et ça, en réalité, c'est totalement inutile. Même si certains pensent que ça, c'est quelque chose qui est bénéfique ou utile pour en apprendre, le problème, c'est que si quelqu'un il apprend uniquement avec les codes de couleurs, déjà d'apprendre les codes de couleurs, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui est plus compliqué même que d'apprendre les règles de tajwid elles-mêmes. Hein? C'est comme lorsque des gens, au lieu d'apprendre les lettres arabes, se fatiguent à apprendre la translittération ou la phonétique en lettres latines, hein, pour le Coran. Donc ça, c'est totalement inutile. Et surtout, lorsque je me rappelle au début, lorsque j'ai commencé à étudier l'arabe et à lire le Coran, quelqu'un m'avait montré un mushaf au complet en phonétique. Hein? Il y a l'arabe, et il y a la traduction, il y avait la traduction en anglais, puis il y avait la vocalisation avec les lettres latines de la prononciation. Mais quand j'ai regardé, par exemple, la façon dont ils écrivaient les différentes lettres, donc tu vois que par exemple il y avait le zal et le za et le dad et aussi le zal yani, et le zay yani, ou, donc toutes ces lettres là qui sont des lettres qui sont qui n'existent pas par exemple en français ou en anglais, et ben quand ils les écrivaient en anglais par exemple, ou en français, eh ben, il les faisait par des lettres avec des signes. Donc, par exemple, le dad, c'était, il mettait un z avec un point en dessous. Et le va, il mettait, par exemple, un z avec une barre en haut. Et le zal, il mettait un z avec deux points. Et yani, à la fin, tu te dis, mais subhanallah, au lieu d'apprendre le Z avec un point, le Z avec deux points, le Z avec une barre, le Z avec 100 barres, il est aussi bien d'apprendre la lettre elle-même, la lettre en arabe. Hein? Et finalement, tu te fatigues moins comme ça. Tu vas savoir chaque lettre directement. Et tu vas lire le mushaf plus facilement comme ça. Il y aura moins de confusion, moins d'ambiguïté. Et donc, effectivement, c'est... Et même qu'il y a des ulama, alhamdulillah, ils ont expliqué que même de faire d'écrire le Coran en lettres latines de cette façon, que c'est ça, c'est pas permis à la base. Hein, c'est pas permis. Et en ce qui concerne les règles de tajwid, c'est plus facile d'apprendre les règles de tajwid directement que de se référer à ce code de couleur pour se rappeler. Parce que qu'est-ce qui va arriver un jour si tu vas lire le mushaf dans un mushaf qui n'a pas le code de couleur? Tu vas être perdu. Tu vas être perdu parce que tu ne te rappelles pas des règles. Et tu te rappelles seulement des codes couleurs. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Hein? Donc c'est pour ça. Tu deviens dépendant après des codes de couleur. Tandis que si tu as appris les règles de tajwid, même s'il n'y a pas de code de couleur, tu te souviens de ces règles, donc tu vas les appliquer directement. Surtout si tu apprends aussi avec un professeur qui t'apprend les règles de tajwid au fur et à mesure que tu mémorises, alors là, c'est sûr que tu vas bien apprendre. Et ça aussi, c'est une chose importante par rapport à l'apprentissage du Coran, c'est de faire l'effort de chercher un professeur pour apprendre la récitation du Coran, pour l'apprendre correctement du premier coup. Parce que qu'est-ce que certaines personnes ont fait? C'est d'apprendre le Coran mémorisé de n'importe quelle façon, c'est-à-dire ils mémorisent les versets incorrectement, puis après ils doivent corriger toutes les erreurs qu'ils ont plus tard, après des années, à avoir récité ces versets-là de manière incorrecte, et là maintenant, plusieurs années plus tard, ils doivent réapprendre ces sourates qu'ils ont déjà apprises incorrectement. Donc tout ça, c'est parce que ils n'ont pas suivi la bonne méthodologie pour apprendre le Coran. Donc le Coran, il doit s'apprendre avec un professeur, et un professeur qui connaît les règles de tajwid, et par conséquent d'apprendre les versets avec les règles de tajwid. Et même quand on apprend aux enfants aussi, c'est bien de leur apprendre correctement depuis le début, hein, comme ça ils apprennent et ils n'ont pas de problème par la suite à devoir par exemple corriger toutes les choses qu'ils ont apprises incorrectement au début. Donc de faire en sorte que à la base ils apprennent avec le tajwid et non pas juste quelque chose qu'ils mémorisent comme une leçon et sans respecter de règles. Un peu comme certains récitent dans certains pays musulmans, lorsqu'ils récitent le Coran, on dirait que c'est une récitation, mais il n'y a aucune règle, aucun principe, ils récitent n'importe comment, comme s'ils récitent une leçon qu'ils devaient mémoriser pour un poème ou quelque chose de ce genre. Donc ça, c'est pas correct, hein? C'est pas correct de faire ça. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continue la suite au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته